بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quelqu'un a demandé un supplice immédiat. للكافرين ليس له دافع. Contre les mécréants, et que nul ne saurait repousser. من الله ذي المعارج. Qui viendrait de la part d'Allah, détenteur des ascensions célestes. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges et l'esprit mettent, pour monter vers lui, un jour qui équivaut à 50,000 ans. فاصبر صبرا جميلا. Patiente donc, d'une belle patience. إنهم يرونه بعيدا. Ils le voient bien loin. ونراه قريبا. Et nous le voyons tout proche. يوم تكون السماء كالمهل. Ce jour-là, le ciel sera comme de la lie d'huile. وتكون الجبال كالعهن. Mais les montagnes seront comme de la laine éparpillée. ولا يسأل حميم حميما. L'ami chaleureux n'interrogera point son ami. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Bien que se voyant l'un l'autre, et pour se racheter du supplice, le criminel voudrait, ce jour-là, livrer en rançon ses propres enfants. وصاحبته وأخيه. Sa compagne, son frère. وفصيلته التي تؤويه. Le clan qui lui offrait le gîte. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. Et tous ceux qui sont sur terre et qui pourraient le sauver. كلا إنها لظى. Que non, la géhenne est un feu embrasé. نزاعة للشوى. Qui arrache le cuir chevelu. تدعو من أدبر وتولى. Qui rappelle à elle quiconque aura tourné le dos à la foi et l'aura fui. وجمع فأوعى. Et aura amassé et entassé les richesses. إن الإنسان خلق هلوعا. L'homme a été créé anxieux. إذا مسه الشر جزوعا. Quand un malheur le frappe, il est abattu. وإذا مسه الخير منوعا. Et quand un bien l'atteint, il n'en est que plus avare. إلا المصلين. À l'exception de ceux qui accomplissent la prière. الذين هم على صلاتهم دائمون. Ceux qui accomplissent assidûment leur salat. والذين في أموالهم حق معلوم. Qui prélèvent sur leurs biens une part déterminée. للسائل والمحروم. Au profit du mendiant et du démuni. والذين يصدقون بيوم الدين. Et ceux aussi qui tiennent pour vrai le jour de la résurrection. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. Qui redoutent le supplice de leur Seigneur. إن عذاب ربهم غير مأمون. Car rien ne saurait assurer contre le supplice de leur Seigneur. Et ceux qui préservent leur chasteté. Sauf sauf dans les rapports intimes avec leurs épouses ou leurs servantes possédées de plein droit. Ils ne sont, dans ce cas, nullement blâmables. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mais ceux qui cherchent la satisfaction de leurs désirs ailleurs, ceux-là sont les transgresseurs. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Et ceux aussi qui gardent fidèlement les dépôts qui leur sont confiés et honorent leurs engagements. والذين هم بشهاداتهم قائمون. Ceux qui disent la vérité quand ils rendent leur témoignage. والذين هم على صلاتهم يحافظون. Et ceux qui préservent scrupuleusement leur salat. أولئك في جنات مكرمون. Ceux-là seront couverts d'honneur dans les jardins du paradis. فما للذين كفروا قبلك مهطعين. Qu'ont-ils donc ceux qui ont mécru à accourir vers toi tendant leur cou? عن اليمين وعن الشمال عزين. Et affluent par groupe, à droite et à gauche. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. Convoiterait-il chacun de son côté l'accès au jardin des délices? كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. Il n'en sera rien. Ils savent de quoi nous les avons créés. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. J'en jure donc par le Seigneur des Orients et des Occidents que nous sommes capables. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. De les remplacer par de bien meilleurs qu'eux. Nul ne pourra nous devancer pour nous en empêcher. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Laisse-les donc à leur vaine conversation et à leur jeu futile, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le jour qu'il leur est promis. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. Jour où, précipités, ils surgiront des tombes comme s'ils accouraient vers des stèles païennes. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Baissés seront leurs regards et ils seront couverts d'humiliation. Voilà le jour qu'il leur était promis.